Passez une très belle journée. Je vous laisse entre les mains d'Histoires Vivantes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoires Vivantes. Cette semaine, du document au documentaire. Why ? Pourquoi les différentes forces en présence se livrent-elles à une guerre d'information ? Affiches, passeports, livres et autres supports. Ma réponse est simple, parce que c'est la guerre, c'est tout. Because this is war. La guerre ou la paix ? On sait bien qu'en temps de conflit, la première victime, c'est la vérité. Nous vous disons aujourd'hui assez de sang, assez de guerre, assez. Bonjour Pierre Azan. Bonjour Jean Leclerc. Où sommes-nous là ? Nous sommes à la Fondation Bonne-Mère. Qui faites-vous ? Je suis le commissaire de l'exposition Guerre et Paix. Commissaire d'exposition, écoutez, je vous ai connu avec de multiples chapeaux, mais cette casquette-là, vous ne l'aviez point encore essayée. Vous nous en dites un peu plus, ce n'est pas votre spécialité être commissaire d'exposition ? Absolument pas, j'ai jamais fait une chose pareille. C'est venu parce que je me trouvais dans le Sahel, où je travaille dans les processus de paix, et je me suis dit que je voyais les foyers de tension, et je voyais le désespoir des populations, aussi bien dans cette région-là qu'aussi en Europe, avec la montée du populisme. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelque chose sur le moment historique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un moment qui est lourd de défis, où on sent la montée des populismes, les inégalités sociales, les frustrations, et donc l'envie de réfléchir avec d'autres sur la question de guerre et de paix, puisque les foyers de tension se multiplient. Jusqu'ici, les formes que vous aviez le plus privilégiées étaient de nature plus frugale, livres, émissions de radio, vous avez longuement participé à Histoire Vivante, voire documentaires également, comme ceux que vous avez tournés précédemment, entre autres pour Temps Présent. Là, vous vous attaquez à quelque chose qui, si le thème reste identique, va dans une autre direction, sachant que il faut là avoir une forme d'expérience que vous n'aviez donc pas auparavant. Autrement dit, vous venez avec un thème, un sujet, vers un endroit, la Fondation Bonne-Mère, dédié aux expositions. Et d'une certaine manière, si j'ose le penser ainsi, vous posez la question, est-ce que ça peut se traduire en exposition, ça ? Je trouvais intéressant, notamment, encore une fois, en travaillant en lien avec Boko Haram, d'aller dans un lieu qui est presque l'antithèse. Boko Haram vient de la langue Hausa, où Boko veut dire books, et Haram interdit de l'arabe, donc interdire les livres. Et donc cette guerre contre la culture m'a interrogé. Et je me dis, qu'est-ce qui se joue, non seulement dans le Sahel, mais dans d'autres endroits, où on sent une très forte réaction contre la culture, de trouver un lieu justement qui emblématise une aspiration universelle à l'éducation, à l'humanisme et à l'écriture et donc au livre. Et il me semblait que la Fondation Bonne-Mère représente justement ce lieu-là. Alors évidemment, une exposition, encore une fois, je n'avais aucune expérience préalable, mais il me semblait intéressant d'utiliser différents supports pour aborder cette question, parce que nous sommes dans l'histoire, nous ne sommes pas en position de surplomb de l'histoire. Nous avons les pieds bel et bien dedans. Encore une fois, un moment qui me semble assez charnière. Différents supports, c'est-à-dire ? Dans l'exposition, il y a des unes de journaux, il y a une hache de guerre et un bâton de l'amitié, de la réalité virtuelle, il y a des traités de paix, il y a des déclarations de guerre, il y a une matérialité et différents supports qui, justement, visent à interpeller chaque visiteur. Il y a aussi un mur des questions pour que chacun se trouve d'une certaine manière invité à réfléchir le moment dans lequel nous sommes, riche surtout dans une ville comme Genève. Genève qui incarne à la fois cette volonté de multiculturelle, de diplomatie multilatérale, et en même temps nous sentons tout autour de nous les tweets de Monsieur Trump, les déclarations parfois très fortes du président turc Erdogan, à un moment où il y a une nouvelle phase de la guerre qui est en train de se dérouler au Proche-Orient, Poutine, etc., etc. Et donc nous voyons tous ces foyers de tension, et je trouvais encore une fois que c'était important d'inviter à réfléchir là-dessus. Alors l'exposition, nous sommes là au mois de janvier, l'exposition a démarré déjà depuis quelques temps, elle se poursuivra jusqu'à quand ? Elle finira le 1er mars. Puisque vous avez eu l'occasion, dans cette exposition que nous allons visiter en votre compagnie, Pierre Azan, de découvrir d'autres endroits du monde, d'autres peuples que vous n'aviez certainement pas eu jusqu'à présent l'occasion d'étudier, Est-ce qu'on peut dresser une forme de constante sur ce dualisme guerre et paix, à savoir que, au fond, tous les peuples auraient fait la guerre, tenté de faire la guerre, comme tous les peuples ont également cherché à faire la paix? C'est exactement ça. Ce qui m'a aussi intéressé dans cette exposition, et on ouvre presque là-dessus, la première vitrine est consacrée aux religions. Alors, on ne pouvait pas mettre toutes les religions, on a pris les religions abrahamiques, et on voit dans chacune des religions, il y a l'invitation à la guerre, donc à la destruction et à la mort de son prochain. Et dans une vitrine qui presque clôt l'exposition, c'est au contraire le constat opposé, c'est-à-dire qu'il y a une invitation à l'amour du prochain. Donc, effectivement, toute l'histoire de l'humanité est prise dans cette tension où à la fois la guerre est justifiée, construite, avec une sorte de lavage de cerveau qui permet finalement de lever des normes morales qui empêchent de tuer son prochain. Et puis, de l'autre côté, le versant beaucoup plus positif, cette aspiration à vivre ensemble en dépit de nos différences. Fait-on la guerre pour des choses à peu près systématiquement communes qui pourraient être aussi bien attraper le bien d'autrui, le bien comprenant aussi bien ses richesses propres que naturelles, à savoir les espaces et les territoires? Est-ce que, bon an, mal an, on arrive d'abord essentiellement à ça et que derrière ou au-dessus, on donne des justifications au recours à la guerre selon les régimes? Il faudrait faire sans doute de l'anthropologie. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de rentrer dans les dynamiques contextuelles, c'est-à-dire chaque société en conflit a ses propres motivations, ses propres objectifs, une diversité d'opinions en son sein, et après on peut parler d'idéologie totalitaire, on peut parler de politique de destruction, etc., etc. Mais je crois que c'est toujours important de ne pas avoir une vision surplombante, trop généraliste, trop explicative, mais au contraire de se pencher dans le détail des motivations de tous les acteurs. Monsieur le commissaire, vous nous emmenez pour la visite. Alors on y va. Oh, magnifique. On va peut-être faire une première pause. On va dire une pause esthétique et contemplative. Parce qu'il faut dire que quand on entre, et le fait qu'Histoire Vivante se consacre une fois encore à la Fondation Bonne-Mère, après Du Corps aux Étoiles ou encore après Alexandrie la Divine, c'est une invitation renouvelée à venir ici, car entrer ici, comme nous venons de le faire, vous avez entendu le bruit de la porte métallique, c'est déjà recevoir un choc lié à l'atmosphère, lié à ce qui se dresse devant vos yeux, devant votre regard. Ce sont des objets, c'est de la matérialité, ce sont des choses qui ont pour beaucoup une esthétique à nulle autre pareille et dont on sait, sans en connaître le montant exact, qu'on a affaire à un trésor inestimable. Telle a été la volonté de Martin Bonne-Mère à son origine. Sauver coûte que coûte l'inestimable. Rien que pour cela, il faut venir à la Fondation Bonne-Mère. Fin de l'opération promo. On passe maintenant à la visite. Mais je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est que Martin Bonne-Mère a traversé le XXe siècle. Et donc, il y a eu le sentiment chez lui de constituer en quelque sorte, surtout dans l'entre-deux-guerres, une sorte d'arche de Noé culturelle, des trésors de l'humanité. Et donc, nous trouvons effectivement ici. Alors, il faut aller vers quelle vitrine pour commencer? Donc, nous commençons ici avec des unes de journaux. Donc, tout ça, ce sont des originaux. Il y a à Genève un collectionneur absolument qui a eu un appétit d'ogre et qui a collectionné des milliers de unes de journaux du monde entier et souvent en relation avec des événements historiques très forts, la guerre et la paix. Quel était son objectif en dehors de cette collection-là? Je crois qu'il voulait écrire une sorte d'histoire du temps présent, comment l'histoire se décline au temps présent à travers des unes de journaux. Et évidemment, avec derrière ça, toujours la question, dans quelle mesure l'information qui est tellement chaude est-elle manipulée? On sait bien qu'en temps de conflit, la première victime, c'est la vérité. Aujourd'hui, nous savons la nature des guerres hybrides où la désinformation est partie intégrante du conflit. Les menaces hybrides font désormais partie du vocabulaire courant de la politique de défense européenne. Les États membres semblent vulnérables face à ce type de risques qui peuvent prendre la forme de campagnes de désinformation, de frappes sur les faiblesses des infrastructures énergétiques. L'expression englobe aussi le terrorisme ou encore le chantage économique. L'Union considère l'intervention russe en Crimée en 2014 comme un exemple de guerre hybride. Avant l'annexion par la Russie, cette région a fait l'objet d'infiltrations par des soldats sans insigne mais portant des armes russes. Par exemple, en Finlande, des entreprises privées achetaient des propriétés et les services de renseignement ont découvert que ces sociétés étaient liées au Kremlin. Kramatorsk, mercredi dernier. À peine les chars ukrainiens déployés, la population s'interpose et la rumeur s'emballe. Quelques balles tirées en l'air pour disperser la foule deviennent une rafale de tirs contre l'école du village. Mon petit-fils est dans l'école où les soldats ukrainiens ont tiré partout ce matin. Il est traumatisé, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, ces militaires, ils effraient les enfants. Le lendemain soir, la rumeur court à Donetsk que l'aéroport vient d'être pris par des commandos pro-russes armés. En réalité, une simple manifestation. On a dit qu'ils étaient 150, c'est pas vrai, ils étaient 60, je les ai vus, j'étais là. Aucun n'avait de tenue militaire, contrairement à ce que j'ai lu, c'était tous des civils, surtout des gens âgés. Ils ne ressemblaient pas du tout à des combattants et ils n'avaient aucune intention de créer du désordre. Sans reconnaître les rumeurs précises dont ils sont à l'origine, chaque camp admet et même revendique la pratique de la propagande. Pourquoi les différentes forces en présence se livrent-elles à une guerre d'information ? Ma réponse est simple, parce que c'est la guerre, c'est tout. Si le risque d'escalade militaire en Europe reste faible, la Russie est accusée de mener une guerre hybride contre l'Occident, à coups de campagne de désinformation et de cyberattaques. En Suède, en 2016, 9 des principaux journaux nationaux sont visés par un piratage massif. Parmi les victimes, ce quotidien de l'ouest du pays. Nous avons vu qu'il était réellement possible de nous museler, même si cela n'a duré que quelques heures seulement. Le pays est victime de près de 300 cyberattaques chaque année. Les services secrets affirment que ce sont la Russie, la Chine et l'Iran qui sont les trois principaux foyers de menaces en termes de cyberattaques en Suède. Donc nous commençons ici avec cette une du journal italien, La Domenica del Corriere, où on voit l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo et qui ouvre la Première Guerre mondiale. Ensuite, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France durant la Première Guerre mondiale, etc., etc. La guerre d'Espagne, la reddition du Japon après la bombe d'Hiroshima. Et puis, regardez ce titre du journal L'Humanité. Donc, on est en 1944, mort aux Boches et aux traîtres. Parisiens debout et au combat, arrière les lâches et les combinards, et donc c'est effectivement l'appel de l'humanité à la révolte contre l'occupation allemande. Si je m'arrête ici devant cette une du Los Angeles Times, voire même celle du San Francisco Chronicle, dans les deux cas, l'important très gros titre gras « Invasion »,« Invasion », et « Peace » pour le Los Angeles Times. Et dans l'esthétique de cette une, on a une impression étrange, c'est celle quasiment d'être en face d'une affiche annonçant un film, comme si, d'une certaine manière, la presse faisait entrer dans l'espace mental quelque chose où la guerre est un spectacle, ce que Ernst Jünger avait déjà écrit. Oui, complètement. Et ces unes de journaux font presque penser à des affiches parce qu'elles tellement elles sont fortes et tellement elles parlent à chacun d'entre nous pour marquer ce jour particulier. Vous voyez, ce PIS écrit en lettres si grosses, si grasses, Invasion de la même manière. Et donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, une page d'histoire qui est en train d'être écrite, qui est transmise au lecteur. Et la presse est probablement la seule à pouvoir favoriser ce mouvement là où le roman ne saurait le faire. Donc c'est cette caisse de résonance, puisqu'on est dans l'histoire chaude, l'histoire en train de se faire, et donc c'est pour ça que c'est si saisissant. Le Proche-Orient, la Shalom, Salam, Peace, on voit Bill Clinton avec Arafat et Rabin, et c'est vrai que ça renvoie au siècle passé, au millénaire passé, tellement aujourd'hui on en allait si loin. Devant 3000 invités triés sur le volet et des centaines de millions de téléspectateurs sur ces pelouses de la Maison Blanche, trois hommes, pour une image que beaucoup croyaient invraisemblable et qui pourtant aujourd'hui, à 17h13, est entrée dans le livre d'images de l'histoire au chapitre Espoir. Bill Clinton, le président américain, avec à sa droite Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et à sa gauche, Yasser Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine. Sont là tous ceux qui, durant des années, dans l'ombre, en coulisses, ou sous le feu des projecteurs, ont œuvré pour que cette rencontre entre ces deux ennemis d'hier devienne aujourd'hui une première rencontre née de paix. Et les premiers mots de Bill Clinton seront justement pour tous les acteurs des chapitres précédents de cette longue marche. À commencer par George Bush, l'initiateur de la première rencontre de Madrid. Sans oublier, bien sûr, Jimmy Carter, l'homme des accords de Camp David. C'était il y a 15 ans déjà. Premier orateur après Clinton à prendre la parole, M. Peres, le ministre des Affaires étrangères israélien. Il y a des précipices entre nous qu'il faut combler. Je voudrais dire à la délégation palestinienne que nous sommes sincères, que nous parlons sincèrement. Puis vint enfin le discours du Premier ministre israélien. Un discours au caractère émotionnel fort, un discours émouvant même. Nous, qui avons lutté contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et nette, assez de sang, assez de guerre, assez. Après une imperceptible hésitation, Rabin et Yasser Arafat vont enfin oser l'impensable, se serrer la main comme pour sceller un jour que chacun veut historique. Il est 18h25 ce lundi 13 novembre. Aujourd'hui, entre Israéliens et Palestiniens se clôt la cérémonie de la reconnaissance. Commence désormais tout simplement le temps de la connaissance de celui qu'on a si longtemps détesté. Voilà, nous voici arrivés à l'étage. L'étage... Alors pour vous le décrire un tout petit peu, vous qui n'y êtes pas encore, mais qui allez y venir, évidemment, figurez-vous des vitrines plus ou moins basses, éclairées de manière très intimiste, comme la Fondation Bonne-Mère sait le faire, on peut parler là d'une forme de signature. Il y règne, il faut bien le dire, parce que nous sommes à un horaire où le public n'est pas encore arrivé, néanmoins, une forme de calme propre à la fois à l'étude, à la méditation et pensons-y aussi à la contemplation qui me paraît être en l'état et en ce lieu-là un terme particulièrement adapté. Alors, Pierre Azan, on commence par quelle vitrine ? Alors, si on regarde la première vitrine, on voit différents livres de la Torah, de la Bible, du Coran, ainsi que d'autres livres qui fondent la guerre juste selon les religions. Et y a-t-il précisément au cœur de ces ouvrages somptueux par ailleurs, une forme de territoire commun quant à ces définitions de la guerre juste. Je crois que les dynamiques sont différentes et que l'histoire de chaque religion s'écrit différemment. Ce qui est aussi intéressant cependant à noter, c'est qu'en même temps que la guerre est justifiée, qu'elle est légitimée, elle est en même temps soumise à un certain nombre de conditions. Il y a quelques jours, il y a un visiteur qui est venu ici et qui a fait part d'un proverbe bambara au Mali. Et le proverbe bambara dit « Si un éleveur peul te fait du mal, ne t'attaque pas à sa bergerie ». C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y a le critère de la proportionnalité qu'on retrouve dans le droit international, il y a le critère de « il faut épargner ceux qui ne sont pas des soldats », il y a des normes qui sont aussi inscrites dans, si on peut dire, dans l'art de la guerre, dans les religions. Mais là, on a affaire, dans le domaine du monothéisme, à quelque chose dans lequel la notion de vérité, de révélation, s'impose. Est-ce que, en l'occurrence, il s'agit de faire la guerre au nom de la vérité ? Il s'agit de faire la guerre surtout au nom de Dieu. Et là, si on prend, et je montre le livre de saint Thomas d'Aquin, il explique qu'il faut une autorité légitime pour déclarer la guerre, qu'il faut aussi une cause qui soit juste, et que les motivations derrière la cause doivent elles aussi être justes. Et donc c'est ce qui, pendant, d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, est une approche très commune d'une guerre dite juste. Donc on voit comment aussi bien les religions que les gens qui ont travaillé ce matériel matériel religieux ont aussi, en quelque sorte, élaboré un code de la guerre spécifique en fonction, effectivement, des conditions qui sont posées pour légitimer celle-ci. Oui, et on voit là pouvoir accrocher au mot « guerre » l'adjectif de « sainte ». Ce qui est assez particulier, parce qu'on ne pourrait pas lui opposer une paix sainte. On ne la connaît pas, celle-là, cette expression-là. C'est très juste. Donc, de là l'importance de pour lever, en quelque sorte, des normes fondamentales, comme « tu ne tueras point », il faut lester chaque religion, envoyer des injonctions telles qu'il est nécessaire, effectivement, de combattre l'ennemi. La deuxième vitrine s'appelle « Justifier la guerre ». Et là, on a choisi un certain nombre de philosophes. Prenons-en deux ou trois, notamment cette écriture absolument étonnante de Hegel, qui est totalement fasciné par la personnalité de Napoléon. Et il voit dans le modèle français de l'époque un État moderne, centralisé, efficace, une sorte de modèle à répliquer dans cette Allemagne qui est encore divisée. Et il voit dans la guerre, justement, un moment de surgissement, d'unité nationale, et une manière de se transcender où la guerre fait que les individus se dépassent eux-mêmes et pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est quelque chose que Hegel formalisera et qui inspirera beaucoup de gens durant, bien plus tard, durant le premier conflit mondial, à s'engager comme volontaires. Ce qui est assez extraordinaire quand on a le manuscrit, ce fragment autographe de Hegel devant les yeux, c'est qu'on devine, au travers des ratures, au travers d'écritures encombrées, surchargées, où l'auteur a sans doute parfois réfléchi, revu, corrigé, à quel point une certaine forme de tension est présente devant les yeux quant à l'exercice du bonhomme qui pense. Ce que vous dites est très vrai. On voit effectivement à travers cette réflexion en action, à travers ce manuscrit qui est tellement raturé, biffé, il écrit par-dessus, comment cette pensée dialectique s'anime, avance, et en même temps presque dans une sorte de chaos, mais aussi de surgissement. Alors, qu'avons-nous dans le voisinage ? Nous avons le Léviathan de Hobbes avec cette fameuse formule que l'homme est un loup pour l'homme. Et dans le domaine des relations internationales, Hobbes effectivement explique que chaque État doit se prémunir de son voisin. Et si on pense à l'époque contemporaine, en tout cas la deuxième partie du XXe siècle, on peut imaginer que la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire l'équilibre de la terreur, découle d'une certaine manière de la philosophie hobbesienne, c'est-à-dire que chacun survivra parce que chacun peut détruire l'autre. Donc il y a un équilibre qui se crée. Alors Pierre Azan, ce que je vous propose, étant donné que là on a fait une ouverture et une invitation à ce que les gens viennent extrêmement nombreux, c'est que on se déplace vers ce qui, selon vous, alors là ça va être des critères extrêmement subjectifs, vous apparaît comme, on va dire, votre chouchou, votre vitrine favorite, votre image favorite. Est-ce qu'on peut avoir, mettons, 5 objets? Très bien. Alors on va peut-être commencer par celui-là, c'est la hache de guerre. Cette hache de guerre vient du Dahomey. Elle était tenue par des guerrières, des femmes guerrières, qui étaient connues, réputées pour leur courage. La guerre a effectivement besoin aussi de symboles. Et donc, plus tard, on verra le bâton de l'amitié. Et la hache de guerre, effectivement, c'est ce grand moment où l'ouverture des hostilités doit être symbolisée. Alors, ceci, c'est une bande dessinée de Edmond-François Calvo. Alors, Paris n'est pas encore libéré et sur le point de l'être. Et déjà, Calvo et d'autres dessinateurs se disent, mais comment pouvons-nous raconter aux enfants qui ont vécu la guerre et ceux qui suivront ce qui s'est passé? Comment faire sens? Alors, ils imaginent, ils font cette bande dessinée où les loups de barbarie veulent conquérir le monde pour 1000 ans. Et viennent conquérir le territoire des lapins français, mais ceux-ci sont aidés par les dogs britanniques et les bisons américains, sans parler de Charles la cigogne et des ours russes, et ceux-ci finiront par, effectivement, terrasser les loups de barbarie. Donc, encore une fois, comment raconter l'histoire alors qu'elle se fait, et la raconter à des enfants? peut-être très rapidement ce document. Il date de 1936 et c'est la première fois que la communauté internationale commence à réfléchir sur les médias de la haine. Et évidemment, le principal média de l'époque, c'est la radio. Et donc, vous voyez cette première convention. Encore aujourd'hui, hein. Sûrement, et Histoire vivante en particulier, c'est l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Donc, il y aura une vingtaine d'États en 1936 qui vont ratifier cette convention. Elle n'aura pas beaucoup d'effet, mais elle montre en tout cas une importante prise de conscience. Et on verra effectivement les ravages des médias de la haine, et notamment lors du génocide du Rwanda en 1994. 19 juin 1994, et il est 16h22 à Kigali, dans le glacé de la RTLM. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. Alors peut-être très rapidement, il y a aussi les conventions de Genève, celles de 1864 et de 1949, mais peut-être intéressons-nous à ce document qui est un rapport du CICR. Des délégués du CICR vont visiter des prisons de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et là, ils témoignent qu'un certain nombre de prisonniers ont été torturés, y compris par l'électricité. Et évidemment, le CICR transmet confidentiellement ce rapport au gouvernement français. Il y aura une fuite et ce rapport finira finalement dans les pages du journal Le Monde. Évidemment, la fuite vient de l'administration française et non pas du CICR, mais celui-ci, pendant une année, sera suspendu de visite dans les camps de prisonniers de l'armée française en Algérie, cependant. Ici, nous nous trouvons devant le premier, peut-être, sauvetage massif d'œuvres d'art. C'est les œuvres du Prado et d'autres musées de Madrid. À l'époque, c'est la guerre civile espagnole. Et la SDN arrive à faire un accord avec les deux parties. On voit un train. Et dans 1850 caisses, il y a tous les trésors du Prado, de Velázquez, de Goya et d'autres tableaux qui vont arriver jusqu'à Genève et vont être protégés pendant la durée de la guerre des risques de ravage, de destruction. Et peut-être encore ce document, le passeport Nansen. Le passeport Nansen, vous savez qu'après la révolution bolchevique, il y a énormément, des millions de Russes ont été déchus de leur nationalité. Après les massacres des Arméniens dans l'Empire ottoman aussi, des millions de personnes se retrouvent sans nationalité, des Arméniens se retrouvent sans nationalité. Et donc, la SDN demande à un explorateur norvégien du nom de Nansen d'agir. Et il arrivera, après avoir résolu beaucoup d'obstacles politiques, à élaborer une sorte de carte d'identité qu'on appelle le passeport Nansen, qui permettront à ces malheureux d'avoir une pièce d'identité et de pouvoir franchir des frontières. Pierre Azan, une dernière question, puisqu'on est encore à l'étage des objets. Est-ce que vous aviez idée, au moment où vous êtes venu avec votre proposition auprès de la Fondation Bonne Mère, de vous trouver quelques temps plus tard environné d'objets aussi différents? Bien sûr, le papier prend une place centrale, on est bel et bien à la Fondation Bonne Mère, mais tout de même, il y a de singulières différentes. Est-ce que vous aviez, ne serait-ce qu'imaginé, des objets pareils? Absolument pas. Et pour moi, par exemple, c'est incroyable de se trouver face à cette carte qui est signée de la main de Staline et de von Ribbentrop. C'est les annexes secrètes du pacte germano-soviétique. Et Staline, avec sa signature, marque la rupture entre la partie soviétique qu'il s'octroie en prenant une partie de la Pologne, les États baltes et la Bessarabie, et en laissant la partie occidentale de la Pologne à l'Allemagne nazie. Donc on est entouré d'objets qui marquent l'histoire à la fois de l'humanité et du XXe siècle et du XXIe siècle. Et en ce sens-là, je trouve que c'est, pour moi, ça a été une aventure fascinante. Thank you.